En Corée du Sud, d'après Yonhap News, quatre organisations, y compris le comité de lutte de Songju contre le déploiement du SAD, ont dénoncé le 11 la bande conservatrice, notamment Fang Yuan, qui a introduit l'armement de guerre des États-Unis en dissimulant l'éventualité du paiement des dépenses de la disposition du SAD. Et le journal d'internet sud-coréen Tongelius, daté du 10, fait savoir que l'Association des entreprises sud-coréennes de la zone industrielle de Kaesong a réclamé la reprise rapide du fonctionnement de la zone précitée.